angeli grandi. Giro ta plume, hein. Quand on se rit, t'es chérie. C'est un bel moment pour réjouir. Avec yon moun, il fait au plaisir, baby. Quand on se rit, t'es chérie. C'est un bel moment pour réjouir. Avec yon moun. Qui fait au plaisir, baby. Gel, en forme de monte en contrôle, gel, mienne t'éteint, sans aucune énergie. Ma moune t'est effectée, l'esprit m'était en coma. Nous t'es en confort, sans règle, sans souci, sans vigile. Nous t'es en confort, sans point. Mais j'ai ri des pilotes, paraître la fouche, ma signe tout pas poème. Pour ressusciter l'esprit, pour transformer. Sans que tout est fait une autre fois, et depuis là, ça. Nous n'avons plus tout ça, vie et chez nous d'allemand. Tout ça, des idées, si ma poune, y'a que le monde, c'est où tu vois le tombe au moins. Ou pas de faire le vrai, baby. T'es pas tous là, c'est les maps, je n'en chatou. Fini dans la bouche, ou puis tout passer la badou. Les moins à faire, ou prends sous moi tant qu'on chatou. Depuis ma veille, ou m'bagué folie l'autre chatou. Ou préparer m'coup chatou, ou préparer m'y chatou. I love you girl. Yeah, chez vous c'est vie moi, n'a moi. Ou c'est l'aine vie moi, femme la moi. Viva moi, viva moi. El amor que yo te tuve no se compara con nada. Y en mi diario te escribía todos los días que te amaba. Y tú a mi corazón como un juguete lo trataba. Como si fuera solamente que Cupido me flechara. Y mi diario se aburrió de tanto que yo a ti te amaba. Cada vez que me miraba como que me lo tocaba. Pero Dios me puso claro que tú a mí nunca me amabas. Y rompí el secreto que en mi diario te guardaba. Si tú supieras lo que yo tuve que hacer para borrarte de mi mente. A ti mi amor, linda mujer. Y por los chismes de la gente que yo era un delincuente. Por lo coro que tenía y por mi pellarete yo que lo que con color de té por eso cada gente baby Sherry cada baby al congel lebron Quand on se rit, t'es chérie. C'est un bel moment pour réjouir. Avec yon moun qui fait au plaisir, baby. Quand on se rit, t'es chérie. C'est un bel moment pour réjouir. Avec yon moun qui fait au plaisir, baby. Chérie, mourir, mais on sait pas pour grever si. Si tout fois ma vie, on sait pas si me jeune plaisir dans où. Mais fois ça, si me pas ouais, en vérité, moi pas vivre. Depuis que je m'a fait là, je viens pas des fils, c'est important parce que tout ça qui est censé là, c'est dans où lié. Bébé, quand t'aimes pas tous là, c'est les maps, je n'en chatou. Filime dans bouche ou puis doute passer là, pas doux. Les moins avec ou prends sur moi tant qu'on chatou. Quand on se rit, il fait chérie.